un fantôme. 1. Les ténèbres. Dans les caveaux d'insondable tristesse où le destin m'a déjà relégué, où jamais n'entre un rayon rose et gai, où seul avec la nuit, maussade hôtesse, je suis comme un peintre qu'un dieu moqueur condamne à peindre, hélas, sur les ténèbres, où, cuisinier aux appétits funèbres, je fais bouillir et je mange mon cœur. Par instant brille, et s'allonge et s'étale un spectre, fait de grâce et de splendeur, à sa rêveuse allure orientale. Quand il atteint sa totale grandeur, je reconnais ma belle visiteuse. C'est elle, noire et pourtant lumineuse. 2. Le parfum. Lecteur, as-tu quelquefois respiré avec ivresse et lente gourmandise ce grain d'encens qui remplit une église ou d'un sachet le musc invétéré? Charme profond, magique, dont nous grise dans le présent le passé restauré. Ainsi l'amant sur un corps adoré du souvenir cueille la fleur exquise. De ses cheveux élastiques et lourds, vivant sachet, encensoir de l'alcôve, une senteur montait, sauvage et fauve, et des habits mousseline ou velours, tout imprégnés de sa jeunesse pure, se dégageait un parfum de fourrure. 3. Le cadre. Comme un beau cadre ajoute à la peinture, bien que le soit d'un pinceau très vanté, je ne sais quoi d'étrange et d'enchanté en l'isolant de l'immense nature. Ainsi bijoux, meubles, métaux, dorures s'adaptaient juste à sa rare beauté. Rien n'offusquait sa parfaite clarté et tout semblait lui servir de bordure. Même on eût dit parfois qu'elle croyait que tout voulait l'aimer. Elle noyait sa nudité voluptueusement dans les baisers du satin et du linge et, lente ou brusque, à chaque mouvement, montrait la grâce enfantine du singe. 4. Le portrait. La maladie et la mort font descendre de tout le feu qui pour nous flamboya, de ces grands yeux si fervents et si tendres, de cette bouche où mon cœur se noya, de ces baisers puissants comme un dictame, de ces transports plus vifs que des rayons. Que reste-t-il? C'est affreux, ô mon âme, rien qu'un dessin fort pâle aux trois crayons, qui comme moi meurt dans la solitude et que le temps, un jurieux vieillard, chaque jour frotte avec son aile rude. Noir assassin de la vie et de l'art, tu ne tueras jamais dans ma mémoire celle qui fut mon plaisir et ma gloire.